ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Igor Stravinsky, compositeur de génie et maître de l'avant-garde. C'est une œuvre explosive où tout est détruit. Tout du langage musical, tout est remis en question. Le rythme, l'équilibre des masses sonores, tout cela est remis en question. Comment cet homme, à cet âge-là, il pouvait avoir 28 ans, je crois, si mon souvenir est exact, quand il a écrit ça, comment il a pu imaginer tout seul une musique pareille, c'est presque inconcevable. Le musicologue et chef d'orchestre, ami également de Stravinsky, Paul Collard, à propos du Sacre du printemps, dans une entrevue qu'il accorde l'année de la mort de Stravinsky en 1971 à la RTBF, autant la création du Sacre du printemps en 1913 à Paris reste l'un des scandales les plus percutants de toute l'histoire de la musique, autant c'est cette même œuvre qui va permettre à Igor Stravinsky d'entrer dans la légende. Stravinsky, dont le nom est irrémédiablement associé à l'avant-garde musicale, reste pourtant probablement le compositeur le plus connu du début du 20e siècle. Bonjour. Bonjour. Je suis en retard. Je suis patient. J'aimerais vous aider financièrement. Ça vous gêne? Il y a quelques années, je l'aimerais chaîner. Et maintenant? Je le méchaîne encore plus. J'ai gagné ma vie, vous savez. J'ai une maison en dehors de Paris. C'est calme, avec un grand jardin. Pas vraiment un palace, mais c'est pas si mal. Vous allez vous y installer. Mais c'est pas possible, j'ai une famille et... Bien sûr, ils emménagent avec vous. Je ne vous propose pas de les abandonner. Je ne peux pas accepter. Pourquoi vous m'avez appelé alors? Écoutez, c'est simple. J'ai beaucoup de respect pour votre musique et je veux vous aider, voilà. Mademoiselle? Vous ne me connaissez pas. On peut travailler là-dessus. Excusez-moi. Anna Mouglalis et Mads Mikkelsen dans le film de Yann Kounen, Coco Chanel et Igor Stravinsky. Vous entendiez aussi dans cet extrait un passage de musique du ballet Pulcinella que Stravinsky compose à peu près au moment où il rencontre Coco Chanel, probablement juste un peu avant en fait. Pour nous parler de l'immense Stravinsky, de ses débuts fulgurants dans le Paris de la Belle Époque, je reçois Danick Trottier qui est professeur de musicologie à l'Université du Québec à Montréal. Danick Trottier, bonjour. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, Danick Trottier, Stravinsky c'est probablement l'un des compositeurs les plus connus de la première moitié du 20e siècle. Qu'est-ce qui fait de lui le géant, ce géant, qu'il a été? Bien, d'abord, l'œuvre, hein? On vient d'écouter un extrait, donc on fait allusion évidemment au Sacre du printemps, on fait également allusion à toutes les relations qu'il a eues dans sa vie, comme celle de Coco Chanel, mais Stravinsky, c'est un compositeur qui a laissé une œuvre immense, qui est encore jouée aujourd'hui. Je dirais également l'homme. L'homme s'est beaucoup prêté aux jeux médiatiques, il a été une vedette en son temps, donc ça l'a beaucoup propulsé sa carrière et sa personnalité. Et enfin, la légende, hein? Il est né à la fin du 19e siècle, mais il va passer à travers une partie du 20e siècle. Donc, à mesure que les années vont passer, l'homme va devenir de plus en plus l'objet d'un mythe. Ouais. Et puis, cette modernité qu'il a... Vous, dans vos cours, quand vous parlez de Stravinsky, vous me corrigerez, mais vous parlez de ça à vos étudiants. Ah oui, tout à fait. Quand on veut placer l'avant-garde musicale au début du 20e siècle, quand on veut comprendre ce qui se passe, comment les compositeurs s'adonnent à de nouvelles œuvres, à une forme d'innovation en musique, il y a des incontournables, Debussy, Schoenberg et Stravinsky en fait partie. Et ça reste l'une des œuvres aussi qui attire encore beaucoup l'attention aujourd'hui. On se demande comment Stravinsky a été aussi loin au niveau, par exemple, du rythme dans des œuvres comme Le Sacre du printemps ou simplement comment il s'est renouvelé d'une période à l'autre. Donc, c'est l'une des figures les plus marquantes du 20e siècle. Ouais. Vous avez choisi pour cette émission qu'on consacre à Stravinsky de surtout vous concentrer, Danick Trottier, sur la période de ses débuts, ce Stravinsky qui débarque dans le Paris de la Belle Époque. Pourquoi? Parce que c'est le moment où sa carrière va prendre un essor fulgurant. C'est le moment où il va se rallier tous les compositeurs plus vieux que lui, comme Ravel, comme Debussy. Et c'est le moment aussi qu'il va laisser ses trois grands ballets que sont L'Oiseau de feu, Petrushka et Le Sacre du printemps. Donc, c'est vraiment la consécration à Paris. Et on ne peut pas penser au Paris des années 1910 à 1914 sans mettre en perspective la carrière de Stravinsky. Bon. Alors, avant de s'attaquer à cette période, avec vous, un petit mot quand même sur les origines de Stravinsky. Il naît à Saint-Pétersbourg en 1882 et on peut dire qu'il baigne, mais déjà très, très tôt, dès son enfance, dans la musique. Ah oui, tout à fait. Son père est chanteur à l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Il est basse. Très tôt, il va s'être initié au piano. Il va quand même aller vers des études de droit. Et tout à coup, il va revenir dans le giron de la musique à travers une figure très imposante qui est celle de Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov qui est un des grands compositeurs qu'on associe au groupe des cinq et qui va devenir un petit peu le mentor, si vous voulez, de Stravinsky. Et Stravinsky va beaucoup apprendre à ses côtés. Et tranquillement, il va devenir aussi populaire dans le Saint-Pétersbourg de l'époque qui a quand même ses premières œuvres, comme le Scherzo Fantastique, qui vont être créées. Et là, tranquillement, on va voir ce jeune homme compositeur prendre de l'ampleur. Et c'est quand il débarque à Paris vraiment qu'il va prendre toute son ampleur et tout son envol. Comment se retrouve-t-il à Paris, Danick Trottier? Et c'est là que c'est intéressant. On a un personnage dans le Saint-Pétersbourg de l'époque qui s'appelle Serge Diaghilev et qui va fonder une compagnie, les Ballets Russes. Les Ballets Russes vont avoir comme objectif d'aller présenter des spectacles et Paris va devenir leur centre d'intérêt parce qu'à l'époque, ces Ballets Russes vont passer un petit peu comme des artistes un peu primitifs, des artistes qui présentent un nouveau monde, un monde féerique. Et là, Diaghilev va avoir besoin d'un compositeur pour incarner cette idée d'une œuvre d'art totale avec un genre musical en particulier qui est le ballet. Il ne faut pas oublier que le ballet a été un genre très privilégié dans la Russie du 19e siècle. On pense à Tchaïkovski, mais on pourrait penser à d'autres compositeurs. Et donc là, Diaghilev avait besoin de ce personnage qui était pour lui permettre de composer la musique de nouvelles œuvres, et ça va être Stravinsky. Pourquoi Stravinsky? Parce que justement, Diaghilev va avoir comme centre d'intérêt de réunir des personnalités fortes, des personnalités jeunes, mais surtout, il va être attaché à une œuvre qu'il va entendre à Saint-Pétersbourg, qui est Feu d'artifice. Et là, il va voir à quel point Stravinsky sait manipuler l'orchestre, à quel point aussi Stravinsky s'intéresse au sujet folklorique russe, à quel point il met aussi en musique des éléments propres à la Russie. Donc, c'était le pari parfait pour aller du côté ensuite de la capitale française, puisque Stravinsky était pour mettre à l'avant-plan, finalement, une saveur très russe, mais aussi qui ne renie pas des influences occidentales. Et ce qui est très recherché, tout ça, c'est ça que ce Paris de la Belle Époque recherche d'ailleurs. C'est la création du ballet L'Oiseau de feu dont on vient d'entendre un extrait de la danse infernale qui vraiment lance la carrière de Stravinsky en France. Cette œuvre-là, elle est créée à Paris, donc le 25 juin 1910. Quelle importance a L'Oiseau de feu pour Stravinsky? C'est la grande œuvre de sa carrière parisienne, sa première grande œuvre, mais aussi une œuvre plus mature que ses œuvres précédentes, surtout parce que Stravinsky, avec le complice chorégraphe de l'époque, Michel Fokine, vont, si vous voulez, s'attaquer à un conte russe et vont miser beaucoup sur l'exotisme, sur le côté magique. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve des éléments qui sont très propres à la Russie musicale du 19e siècle, tout en étant moderne, et aussi, et surtout, tout ce qui va beaucoup plaire aux Parisiens de l'époque, c'est l'opposition entre le monde naturel et surnaturel. L'Oiseau de feu, dans le fond, c'est un conte magique avec le personnage de Ivan qui va finalement libérer à la fin les princesses. Et donc, il y a toute cette mythologie, si vous voulez, et l'œuvre va créer un succès. Donc, les Parisiens, les Parisiennes vont adorer ce genre de musique, mais surtout ce genre d'œuvre totale où il y a autant de la musique, de la chorégraphie que des tableaux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous aurons donc ce soir la grande joie de vous présenter un des ballets les plus célèbres du répertoire contemporain, Petrouchka d'Igor Stravinsky. Petrouchka n'est pas un ballet ordinaire, au sens classique du mot. La danse n'est pas simplement ici accompagnée par la musique. Au contraire, toutes deux dépendent l'une de l'autre, en quelque sorte. Petrouchka, en russe, cela veut dire Percy. Cela veut dire petit Pierre et aussi poupée, pantin, marionnette de théâtre Guignol. Pour nous, cela veut dire le ballet du siècle. Cela veut dire Stravinsky, Fokine, Benoît et la scintillante époque des ballets russes de Serge de Diaghilev. Extrait de l'émission « L'heure du concert » présenté par Henri Bergeron en 1957. Vous y entendiez un extrait de la musique du ballet Petrouchka. En 1911, donc, c'est les ballets russes et Stravinsky créent le ballet Petrouchka au Théâtre du Châtelet. Et là encore, c'est le triomphe. Il faut dire, Danick Trottier, qu'à la suite de la création de l'Oiseau de feu, Stravinsky déjà devient la coqueluche des milieux branchés. Donc, au moment de Petrouchka, il est très, très connu. Là, tout le monde se l'arrache. Oui, tout à fait. En fait, dans Petrouchka, Stravinsky va appliquer un peu la même recette. On dit Stravinsky, mais il faut toujours dire Stravinsky, Diaghilev et Fokine à l'époque. Donc, ils vont appliquer la même recette, c'est-à-dire toujours se baser sur la Russie, sur ce qui appartient au folklore russe. Sauf qu'ici, la grande différence avec l'Oiseau de feu, c'est qu'on va miser sur le carnaval. On va miser, dans le fond, sur le Pierrot russe, Petrouchka, et même sur des éléments un petit peu carnavalesques, comme dans la Commedia dell'arte. Et c'est ce qui va faire la force de l'œuvre. Et là, les mélodies folkloriques vont être beaucoup plus mises en valeur. C'est le ballet qui va vraiment rallier toutes les avant-gardes françaises de l'époque. Autant L'Oiseau de feu avait été un grand succès auprès du public, autant Petrouchka va être un succès auprès du public, mais aussi auprès de tous les collègues compositeurs de Stravinsky, Debussy, Ravel, tous les autres vont saluer ce ballet-là. Et effectivement, ça prenait une certaine audace pour aller du côté du monde plus populaire, plus la foire, et ça va devenir un des éléments aussi du 20e siècle. Beaucoup de compositeurs, après ça, vont s'inspirer de cette foire que Petrouchka met en scène. Et c'est Debussy, Ravel, dont vous parliez, il les fréquente. Là, c'est vraiment une personnalité dans ce Paris de la Belle Époque, Stravinsky. Ah, tout à fait. Donc, on a des correspondances, on a des images, on voit que Stravinsky est au cœur même de l'avant-garde musicale française. Il est même la coqueluche de l'avant-garde musicale française autour de 1911 à 1913. Et ça va nous conduire, évidemment, à une série d'autres œuvres, dont Le Sac du printemps. Ouais, qui va être un grand, grand coup de tonnerre dans le ciel de la capitale. Étiez-vous à la première du Sacre du printemps? Oh, comme tout le monde. Qui se serait respecté? Il faudrait être malade pour ne pas y avoir été. Ben, c'est un petit incident, les gens n'ont pas compris, ils n'ont jamais compris. La première fois, ils ont crié à Pelléas, ils ont crié, enfin, si nous faisions le compte de tous les cris qui se sont passés chaque fois qu'une œuvre nouvelle sortait, de nouveau une autre année. Mais il semble que la réaction fut plus violente encore que pour la première œuvre avec laquelle Paris prit connaissance de Stravinsky, c'est-à-dire Petrouchka. Ah, mais là, il n'y a pas eu. Ah, mais là, ça s'est passé très bien. Ça a été la gloire du jour au lendemain. Un monsieur inconnu dont le nom finit en ski et qui, le lendemain, est considéré comme un grand compositeur. Et ça s'est gâté par la suite, ça n'a jamais cessé de se gâter. Vous n'avez qu'à lire les écrits, les articles qu'on écrit contre lui, dans l'incompréhension de son œuvre. Peut-être qu'ils ont raison. Pour nous, ils ont tort. Sur la musique du Sacre du printemps, vous entendiez la pianiste, compositrice et amie de Stravinsky, Nadia Boulanger, entrevue qui remonte à 1962. C'est donc en 1913 qu'est créé à Paris le Sacre du printemps. Et autant la création de cette œuvre va faire scandale, vraiment, à l'époque, autant c'est cette même œuvre qui va permettre, je le disais au début de l'émission, mais à Stravinsky vraiment d'entrer dans la légende. Pourquoi, Danick Trottier, parlez-nous de l'accueil de l'œuvre, mais pourquoi cette œuvre-là, en 1913, choque? Elle choque tant par différents éléments. D'abord, par le propos. C'est une œuvre qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le primitivisme. Et le primitivisme, à l'époque, ça choque parce qu'on veut mettre en scène des sujets primitifs dans une époque où on se dit très moderne. Donc, quand on met, par exemple, en scène un sacrifice comme celui de l'heureuse élue dans le Sac du printemps avec des rites païens, évidemment, ça fait sensation et là, ça choque, évidemment. Et on le dit, hein, on est dans une époque d'avant-garde et les avant-gardes cherchent à innover, mais à travers travers l'innovation, les avant-gardes savent très bien que ça peut choquer. Et ici, c'est le cas. D'ailleurs, le grand complice de Stravinsky pour cette œuvre, c'est Nicolas Roerich, le peintre russe. Et donc, et ce n'est plus donc Michel Fokine comme avant. Et de l'autre côté également, il y a Vaslav Nijinsky, le fameux danseur donc, qui avait incarné le personnage de Petrouchka et à qui Diaghilev va confier la chorégraphie. Et là, ça va être la catastrophe. La chorégraphie va être trop difficile par rapport à l'œuvre. Et donc, le soir de la première, il va y avoir un décalage entre les pas de danse, entre l'œuvre présentée, et d'autant plus que le public parisien n'avait pas été préparé à une œuvre aussi radicale en termes d'esthétique. Pourquoi si radicale? Ben, parce que d'une part, il y a des changements rythmiques tout le temps, donc ça fait en sorte que c'est difficile de stabiliser des fois l'attention. Et d'autre part, c'est comme si l'orchestre était un immense instrument de percussion avec des timbres très dissonants, et donc le public va être complètement dérouté lors de la première. Et en fait, on va même parler, ça vaut la peine de le rappeler, la critique va être assassine, on va même parler de massacre du tympan. Exactement, massacre du tympan, parce qu'encore une fois, c'était des sonorités inédites pour l'époque, et surtout au niveau de la vitesse d'exécution, au niveau du rythme. Donc, on a l'impression d'être en présence de grandes masses sonores, et ça va faire en sorte que la critique, effectivement, va se déchaîner. Mais dans les mois à venir, et surtout dans les années à venir, l'œuvre va être jouée après ça en version concert et va finalement entrer au répertoire comme toute œuvre qui a fait scandale au début. Donc, assez rapidement, elle est réhabilitée, cette œuvre-là. Et de fait, c'est son tremplin. C'est ce qui lance, c'est ce qui lui permet d'entrer dans la légende. Ah oui, tout à fait. Quand on met en perspective l'année 1913 avec le Cercle du printemps, déjà Stravinsky rentre dans la légende. Dans les années qui vont suivre, donc l'œuvre va être reprise en version concert à partir de 1914 dans les années suivantes, mais déjà Stravinsky va toujours être associé au Cercle du printemps. C'est comme l'œuvre emblématique qui porte sa carrière, et à chaque fois qu'il va revenir dans sa carrière sur des moments de rétrospective ou autre, on va toujours souligner à quel point le Sac du printemps reste l'une des œuvres les plus emblématiques du 20e siècle musical. Donc, le Sac du printemps, c'est ce qui lance vraiment... sa carrière a déjà lancé, mais la légende Stravinsky, c'est ce qui clôt aussi, parce que c'est 1913, cette époque du Paris de la Belle Époque. Cela dit, la période française de Stravinsky se poursuit pendant encore longtemps, parce qu'on y reviendra dans quelques minutes, il va finir sa vie aux États-Unis, mais sa période française sera aussi très, très riche après donc la Belle Époque. Parlez-moi un petit peu de ce qui l'attend après cette belle époque et ce Sacre du printemps. Oui, tout à fait. Stravinsky s'établit, dans le fond, en France durant la création de ses ballets, retourne de moins en moins en Russie, mais pour lui, le grand choc, ça va être la révolution bolchevique de 1917. Donc, à ce moment-là, il va rester en Europe, il ne retournera plus en Russie, et il va toujours faire la navette entre la Suisse et la France. Et là, tranquillement, une fois la guerre terminée, il va écrire une œuvre qui s'appelle « L'histoire du soldat », qui va justement s'attarder encore une fois aux contes, à des éléments un peu plus disons folklorique, mais surtout il va opérer un virage du côté d'une musique plus française qu'on va appeler à l'époque néoclassique, ou si vous voulez, on va revisiter le bagage stylistique de la France. Et dans le cas de Stravinsky, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il va se recentrer vers une mélodie, vers une harmonie plus stable, donc plus facile d'approche, et d'autre part également, il va beaucoup travailler dans la musique de chambre, la musique pour piano, donc, et surtout la musique religieuse. Donc, il va opérer ce changement-là dans son œuvre, et ça va devenir donc un autre moment de sa carrière avant sa période américaine. Ouais. Et ce virage plus classique, ce qu'on entendait au tout début de l'émission, là, Pulcinella, c'est probablement un bon exemple de ce tournant. C'est à ce moment-là qu'il prend ce tournant. Et puis, il va travailler avec tout le monde. Il va monter Oedipus Rex avec Cocteau, il va travailler avec Gide. Ça aussi, ça fait partie de sa francité, entre guillemets. Ah, tout à fait. Il est inscrit dans les réseaux artistiques français. Il est connu et les gens veulent collaborer avec. Donc, il va même recevoir la nationalité française autour de 1934. Donc, il va toujours dire que la France est sa seconde patrie. Et ce qui fait en sorte que Stravinsky devient cet emblème aussi de la culture française, ce sont toutes ses collaborations avec les écrivains, avec les peintres, et qui vont faire en sorte aussi qu'il va laisser des œuvres marquantes pour le répertoire français. Oui. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale et on y vient donc à ce départ de Stravinsky. Il décide de partir vivre aux États-Unis. Puis là encore, son arrivée aux États-Unis va marquer un nouveau tournant pour lui et pour sa musique. Extrait du ballet Agon, créé par Stravinsky en 1957. Comment décrire, Danick Trottier, cette période américaine de la vie de Stravinsky? C'est la dernière période de sa carrière et Stravinsky est déjà une légende, on l'a dit. Il est né au 19e siècle, donc imaginez, vous vous retrouvez dans les années 50-60, vous pouvez croiser Stravinsky à New York ou à Hollywood. Et là, donc, il va à nouveau faire, comme il a fait souvent dans sa carrière, il va opérer un virage à 180 degrés. Et alors qu'il avait pourfendu l'esthétique plus viennoise avec ce qu'on appelle le dodécaphoniste, donc une musique dite sérielle, qui est basé sur des séries, en fait, il va décider à ce moment-là de commencer à composer des œuvres en musique sérielle. Donc, Agon est un exemple. On a des petits passages sériels. D'ailleurs, Agon est son dernier ballet. Et c'est le ballet qui va être créé à Los Angeles avec Georges Balanchine, donc, à la chorégraphie. Et à ce moment-là, Stravinsky jouit d'une popularité immense. On le voit dans les tabloïds, dans les journaux. On se l'arrache dans les émissions de TV et autres. Et donc, arrive finalement la fin pour Stravinsky. Donc, en avril 1971, il va décéder. Et selon ce qu'il avait demandé, donc, il va être enterré à Venise. Donc, comme d'autres compositeurs ou d'autres créateurs avant lui, donc on pense à Diaghilev. Et c'est là où Stravinsky va terminer son parcours extraordinaire dans le 20e siècle musical. Danick Trottier, c'était un bonheur de vous recevoir et de vous entendre nous parler de Stravinsky, professeur de musicologie à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste des musiques du 20e siècle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Merci également à Manuel Marie à l'UQAM pour sa collaboration à cette émission. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.